Furieuse, Agrippine offre alors son alliance à Britannicus sous l'égide de l'affranchi Pallas. Et Narcisse, un autre affranchi, gouverneur de Britannicus, mais traître dévoué à Néron, pousse Britannicus à accepter cette alliance. Après avoir ordonné à Burrus de faire exiler Pallas, Néron s'entretient avec Narcisse et lui avoue son amour pour Junie. Excité d'un désir curieux, cette nuit je l'ai vu arriver en ces lieux, triste, levant au ciel ses yeux mouillés de larmes, qui brillaient au travers des flambeaux et des armes. Belle, sans ornement, dans le simple appareil d'une beauté qu'on vient d'arracher au sommeil. Que veux-tu? Je ne sais si cette négligence, les ombres, les flambeaux, les crises et le silence, et le farouche aspect de ses fiers ravisseurs, relevaient de ses yeux les timides douceurs. Quoi qu'il en soit, ravi d'une si belle vue, j'ai voulu lui parler, et ma voix s'est perdue. Immobile, saisi d'un long étonnement, je l'ai laissé passer dans son appartement. J'ai passé dans le mien. C'est là que, solitaire, de son image en vain, j'ai voulu me distraire. Trop présente à mes yeux, je croyais lui parler. J'aimais jusqu'à ses pleurs que je faisais couler. Quelquefois, mais trop tard, je lui demandais grâce. J'employais les soupirs et même la menace. Voilà, comme occupé de mon nouvel amour, mes yeux sans se fermer ont attendu le jour. Mais je m'en fais peut-être une trop belle image. Elle m'est apparue avec trop d'avantages. Narcisse, qu'en dis-tu ?